Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Jamais en arrière, on ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui, tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais. Temps. Patrick Bruel là, sur RGM, et nous on a encore du temps à passer ensemble. Il est un petit peu plus, il est presque même 8h37. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 14 mai 1944. Naissance de George Lucas, cinéaste américain, scénariste, réalisateur et producteur d'American Graffiti, de Star Wars épisode 4 et Star Wars épisode 1, 2 et 3. Puisque je vous rappelle que Star Wars, les épisodes des numéros sont pas forcément dans le même ordre chronologiquement parlant. Le 4 est sorti avant le 1 par exemple. Scénariste et producteur de Star Wars épisode 5, des Aventuriers de l'Arche Perdue, Star Wars épisode 6, Indiana Jones c'est le Temple Maudit, Indiana Jones c'est la Dernière Croisade, Indiana Jones c'est le Royaume du Crâne de Cristal, et producteur d'American Graffiti, la suite. 1951, naissance de Robert Zemeckis, réalisateur américain qui l'on doit à La Poursuite du Diamant Vert, Retour vers le Futur 1, 2 et 3, également scénariste, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur, ou encore Seul au monde. 1957, naissance de Michel Simès, médecin chirurgien français connu pour ses activités d'animateur radio et télé, principalement dans l'émission Le Magazine de la Santé qu'il a présenté de 1998 à 2018. 1959, naissance de Patrick Bruel, chanteur, acteur français, également joueur de poker, vu dans Le Coup de Sirocco dans le rôle de Polo Narboni, Ma femme s'appelle Revient, Prof dans le rôle de Frédéric Game, L'Union sacrée dans le rôle de Simon Atlan, Le Jaguar dans le rôle de François Perrin, Un secret, Le code a changé dans le rôle d'Alain Carcassonne, Comme les cinq doigts de la main dans le rôle de Dan Ayoun, Le prénom dans le rôle de Vincent, Les yeux jaunes des crocodiles, Tu veux ou tu veux pas, Ange et Gabriel. En 2017, on l'a vu à l'affiche du film Un sac de billes dans le rôle de Roman, et il sera bientôt à l'affiche du film Le meilleur reste à venir. Il incarnera le rôle de César. 1961, naissance de Tim Roth, acteur britannique, vu dans Reservoir Dogs dans le rôle de Monsieur Orange, alias Freddy Novendick, Pulp Fiction dans le rôle de Ringo, Tout le monde dit I love you, La planète des singes dans le rôle du général Tate, L'incroyable Hulk dans le rôle d'Emil Blonsky, alias Abomination, Grâce de Monaco dans le rôle de Régnier 3. Il sera bientôt à l'affiche du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui va sortir dans quelques temps, et on l'a vu dans la série télé Lie to Me dans le rôle du docteur Cal Lightman. 1962, naissance de Danny Hudson Huston, acteur américain vu dans The Constant Gardener, Marie-Antoinette dans le rôle de l'empereur Joseph, X-Men Origins Wolverine dans le rôle du colonel William Stryker, Le Choc des Titans et La Colère des Titans dans le rôle de Poséidon, en 2018 dans le film Robin des Bois où il a incarné Richard Cœur de Lion. On l'a vu également dans Magic City ou encore plus récemment Wonder Woman. 1968, naissance d'Alain Bouzigues, acteur français connu pour son rôle de Philippe Gatin dans la série télé Caméra Café ainsi que dans les films Espace Détente et Le Séminaire et vu également dans le film Le Jaguar. 1969, naissance de Cate Blanchett, actrice australienne vue dans le talentueux Mr. Ripley dans le rôle de Meredith Logg. On la connaît pour son rôle de Galadriel dans la trilogie du Seigneur des Anneaux ainsi que dans la trilogie du Hobbit, vue dans Aviator dans le rôle de Katharine Hepburn, récompensée par l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Elisabeth L'Âge d'Or dans le rôle d'Elisabeth Ier d'Angleterre. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Daisy. En 2010, dans Robin des Bois, dans le rôle de Belle Marianne. Blue Jasmine, dans le rôle de Jasmine, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice. Man's Man, Thor Ragnarok, dans le rôle d'Ella, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans Avengers Endgame, toujours actuellement au cinéma, et vu également dans le film Ocean's 8. 1971, naissance de Sofia Coppola, actrice, réalisatrice, scénariste américaine. En tant qu'actrice, on l'a vu dans Le Parrain 1, 2 et 3, Cotton Club, Star Wars épisode 1, dans le rôle de Satché, une suivante de la reine Amidala, réalisatrice et scénariste de Virgin Suicides, Lost in Translation, récompense par l'Oscar du meilleur scénario original et le César du meilleur film étranger, Marie-Antoinette ou encore The Bling Ring. 1973, naissance de Shanice, chanteuse américaine, connue pour son titre I Love Your Smile, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait de Shanice. On continue. 1974, naissance de Jenny Lynn, chanteuse française connue pour son rôle de Nefertari dans la comédie musicale Les Dix Commandements, son rôle de Sandra dans le film Alive ou encore son rôle de Satine dans la comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort. 1979, naissance de Michael Landreau, ancien footballeur français ayant évolué au poste de gardien de but qui a joué de 1996 à 2014 à Nantes, au PSG, à Lille et enfin à Bastia. 1980, naissance de Florent Père, humoriste, acteur français, découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire, où il a interprété des sketchs entre 2010 et 2014, vu au cinéma dans Red Dingue, Mission Pays Basque, Marum, dans le rôle de Stéphane, à la télévision dans Plus belle la vie, Merci les enfants vont bien, Week-end chez les Toqués, ou encore Papa ou Maman, dans le rôle de César Mendes. 1983, naissance d'Amber Tamblyn, actrice américaine, vue dans Le Cercle, quatre filles et un jean 1 et 2, dans le rôle de Tibby Tomko Rollins, Jungle Unchained, la série Hôpital Central dans le rôle d'Emily Bowen Catermain, Buffy contre les vampires, Le Monde de Joanne dans le rôle de Joanne Girardi, Dr House dans le rôle de Martha Masters, Mon Oncle Charlie dans le rôle de Jenny Harper. 1984, naissance de Mark Zuckerberg, homme d'affaires américain, cofondateur de Facebook dont il est le président directeur général. 1993, naissance de Kristina Mladenovic, joueuse de tennis française, professionnelle depuis 2008. En simple, elle a été 10e mondiale en 2017, quart de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon. En double dame, elle a été numéro 2 mondiale en 2016. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie et Roland-Garros, deux fois finaliste à l'US Open, une fois finaliste à Wimbledon. En double mixte, elle a gagné une fois l'Open d'Australie et Wimbledon, une fois finaliste à Roland-Garros et demi-finaliste à l'US Open. Avec l'équipe de France en Fed Cup, elle a été finaliste en 2016 et elle a remporté une Hopman Cup en 2017. 2017. 1994, naissance de Marquinhos, footballeur brésilien et portugais, qui de 2011 à 2012 a joué au SC Corinthians, de 2012 à 2013 à Rome. Depuis 2013, il joue au PSG. 1996, naissance de Martin Garrixsen, alias Martin Garrix, DJ producteur néerlandais, dont on écoute tout de suite un extrait de sa compo Animals. Voilà pour l'extrait de Martin Garrix. Allez, on continue. En 1610, décédé Henri IV, roi de France de 1589 à 1610. En 1643, décédé Louis XIII, roi de France de 1610 à 1643. En 1998, décédé Frank Sinatra, chanteur américain qu'on écoutera en fin d'émission. En 2015, décédé B.B. King, guitariste, chanteur, compositeur américain, notamment connu pour le titre Sweet 16, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait de B.B. King. Allez, tout de suite, nous, on s'écoute Jeanne Lynn avec le titre Le Dilemme, extrait de la comédie musicale Les Dix Commandements. Aimer sans les trahir un peu. Le dilemme de Jenny Lynn sur le 107 FM. Il est presque 8h52 et nous on fait un point météo, le temps de trouver le petit jingle qui va bien. Alors où est-il ? Le voilà. La météo. Eh bien aujourd'hui ce sera une journée placée sous le signe du soleil avec toujours du vent. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Mercredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés prévues pour demain après-midi. Jeudi, soleil avec quelques petits nuages, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 13 et 16 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On débute avec le tennis et le tournoi de Rome. Et côté messieurs, à noter hier l'élimination de Joe Wilfried Tsonga en 2-7 face à Fabio Fognini, 6-3, 6-4. Gaël Monfils, lui, s'est incliné en 2-7 face à Ramos Vinolas, 6-3, 6-1. D'ailleurs, Gaël Monfils un peu touché au genou. Il a d'ailleurs déclaré, après la rencontre, « Je manquais d'énergie ». Bon, à quelques semaines de Roland-Garros, c'est pas forcément très bon signe. Le match franco-français entre Richard Gasquet et Jérémy Chardy a été suspendu, un set partout. Il reprendra aujourd'hui. Benoît Paire affrontera Albot. Il y aura également Stan Wawrinka opposé à Goffin ou encore Alexander Zverev opposé à l'Italien à Berrettini. Côté féminin, la qualification de Serena Williams en 2-7 face à Peterson, 6-4, 6-2. La qualification de Venus Williams en 3-7 face à Mertens, 7-5, 3-6, 7-6. Qui s'est qualifié en 2-7 face à Hercog. Aujourd'hui, duel franco-française entre Kristina Mladenovic et Caroline Garcia. Alizé Cornet, elle affrontera Sabalenka et Caroline Wozniacki sera opposée à Collins. Un mot de hockey sur glace avec un point sur les championnats du monde. Hier, la Suède s'est largement imposée face à la Norvège 9-1. Le Canada s'est imposé dans les toutes dernières secondes de la rencontre, 6-5 face au pays hôte, la Slovaquie. La Russie s'est imposée 3-0 face à la République tchèque et les États-Unis se sont imposés après prolongation 3-2 face à la Finlande. Aujourd'hui, cet après-midi, la Grande-Bretagne affrontera le Danemark, l'Italie sera opposée à la Lettonie et ce soir, la Suisse affrontera l'Autriche et la France affrontera l'Allemagne. Match à 20h15, l'Allemagne vice-champion olympique en titre. Attention, ça va être un gros match pour nos Bleus et je vous rappelle que ce match sera à suivre sur l'antenne de la chaîne L'Équipe. Et oui, il y a un petit peu de hockey sur glace sur la chaîne L'Équipe. Et on termine cette actu avec du cyclisme et le Giro. Et hier, Viviani pensait avoir gagné cette étape. Malheureusement, il a été déclassé. La première place revient à Gaviria et Arnaud Démare, du coup, est classé deuxième de cette étape. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Frank Sinatra. Et le titre, New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, are melting away. I'm gonna make a brand new start. It's up to you, New York, New York, New York. Frank Sinatra sur RGM, il est presque 8h59 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, ce sera le Festival de Poésie de Raon-l'Étape, une émission qui nous vient de Radio Déclic. À 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. 16h, la rediffusion de Jukebox. 20h, La Parole est à vous avec Michel. 22h, J'aimais, je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.